Et c'est cette souffrance-là qui m'amène à donner à l'homme l'instruction. Si je n'avais pas cette souffrance-là, je ne donnerais pas à l'homme l'instruction. Je vais t'en donner une souvent. Je vais t'en montrer une souvent. Prends une bezette. Hein? Tout le monde dit que j'aime une bezette. C'est mon chat. Oui, une bezette. Une bezette. Mon grand désir sur la terre. Mon grand désir sur la terre. C'est que Bessette rentre dans les terres avec moi. Ça, c'est mon grand désir. Ça, c'est mon désir temporel. C'est mon désir là. Je ne l'ai pas pour Croteau, ça. Je ne l'ai pas pour lui, ça. Je l'ai pour Bessette pour des raisons occultes. Pour le passé.